Bonjour, bonsoir. Merci à Dragostara qui m'a invité pour ce projet sonore et multiple sur la thématique de la lisière. Pour moi, la lisière, bien sûr comme pour vous sûrement, c'est ce qui permet de nommer la partie extrême d'un territoire, le bord, l'extrémité d'un lieu, ce qu'on appelle aussi un écotone en biologie. Plutôt qu'une frontière ou une limite, c'est une zone de transition écologique entre deux écosystèmes. C'est le lieu de déploiement d'une grande diversité et d'une grande dynamique. C'est peut-être aussi un espace de grande tension, mais qui est plus créatif et divers que les deux autres espaces qui l'entourent. Plus riche aussi. Cette richesse, cette diversité, cette vitalité sont le résultat de la rencontre de deux systèmes. Ce qui crée des formes de vie nombreuses, comme on peut le voir à la lisière d'une forêt, sur une zone littorale aussi, sur le rivage, là où la mer et la terre se rencontrent. C'est Starhawk qui dit que si on pense aux écotones aussi en termes de système de pensée, on se permet du coup une pensée plus riche que si on considère chaque système pris séparément. C'est ce que montrent les pratiques transdisciplinaires en général et les visions non binaires ou non dualistes. Je pense bien sûr à des systèmes de conception écologique comme la permaculture ou encore les pensées et les pratiques de l'écoféminisme qui regroupent la spiritualité, l'écologie et la politique, et dont les formes d'écriture puisent en même temps dans les registres de la poésie et du programme politique, par exemple, qui se côtoient dans un même texte, là où la nature et la culture, les hommes et les femmes, l'émotion et la raison n'existent plus en tant qu'entité distincte. Personnellement, j'ai une pratique du tissage, alors forcément, la lisière, ça me fait penser aussi à l'autre acception du mot. C'est la bordure d'une pièce d'étoffe. Quand vous êtes face au métier à tisser, c'est le bord gauche et le bord droit du tissu qui est devant vous. Et en fait, c'est aussi un lieu de liaison. C'est là que se rejoignent les lignes de trame horizontales qui vont de gauche à droite, puis de droite à gauche, et ainsi de suite. Et la lisière du tissu, on l'appelle aussi la liste, un mot qui viendrait du germanique lista, qui voudrait dire bord. Et la liste, c'est un mot qui, dans ses autres usages, contient aussi l'idée du mélange, d'une suite, d'un ensemble, et en tout cas pas l'idée de frontière ou de limite. La liste, tout comme la lisière d'un tissu ou d'une forêt, ce sont des mots qui contiennent l'idée de multitude, d'un infini possible. Recourir au tissage comme système de pensée, c'est un peu la même chose que de recourir au principe d'écotone pour penser le monde de manière moins dualiste. C'est une pensée de la convergence. D'ailleurs, la pensée textile, ou la métaphore textile, elle connaît depuis longtemps un immense succès, par exemple, pour parler de ce qui fait la trame des relations humaines, ou encore de l'écriture et de la littérature. À tel point qu'on ne sait plus désembrouiller la part de l'étymologie et la part de métaphore dans le lien entre le texte et le textile. Pour la littérature, par exemple, la pensée textile, pratiquée en Occident de Homère à Derrida en passant par Mallarmé, par exemple, elle permet de relever la parenté entre deux pratiques a priori distinctes. L'une qui relèverait d'une activité de l'esprit et l'autre d'une activité de la main. Quand on rapproche le texte du tissage, du textile, On relie le travail de la langue au travail de la main. On relie le vêtement à la parole. On considère la part organique et consistante de la pensée. On contribue à briser quelques frontières tenaces qu'on a tendance à penser encore entre le corps et l'esprit, entre la main et l'idée, entre l'art et l'artisanat. Du coup, on peut se permettre de penser d'une seule fois l'étoffe entière de la création, qui finalement est toujours une forme de construction ou de façonnage. Ce qui serait peut-être le sens primitif du mot latin « textus ». Bref, la métaphore textile permet de réconcilier la main et la pensée. Du coup, on peut considérer bien sûr un texte comme une forme de tissage dont les mots forment la trame. Mais cette métaphore, elle permet de penser aussi la non-autonomie du texte et donc la non-autonomie de l'art en général et de l'humain. Quand un auteur ou une auteure écrit un texte, c'est aussi un nouveau fil de trame qui s'ajoute sur la chaîne culturelle et linguistique du tissu collectif. Bon, alors si on revient à la litière, finalement, que ce soit pour parler des écosystèmes ou du tissage, c'est un terme qui se réfère à un espace, à une zone, à un territoire. Mais c'est aussi un terme qui se qualifie par ses aspects dynamiques et vivants. Ça me fait penser par exemple à la définition que Bruno Latour fait du territoire. Pour lui, dans notre contexte actuel fait de flux économiques, de bouleversements climatiques, de pandémies à l'échelle mondiale, l'idée de territoire, juste comme portion d'espace avec ses frontières, ben ça fonctionne plus. Notre monde a changé. Dans ce monde en pleine mutation écologique, où on ne peut plus vivre comme jusqu'ici, en suspens, en porte-à-faux, entre le monde où on vit librement et celui souvent lointain d'où l'on tire notre abondance, notre territoire à chacune et chacun d'entre nous aujourd'hui doit être redéfini. Et dans cette nouvelle configuration, le territoire, c'est peut-être plus les conditions de notre subsistance, de notre existence, à vous et moi. Ce sont les choses, les êtres, les phénomènes auxquels on est profondément attaché et qu'on ne veut pas perdre. C'est ça notre territoire. Et moi, le territoire auquel je tiens, ou un de mes territoires, c'est justement celui de la lisière. C'est ce territoire en marge, le lieu de la liaison, de la rencontre, de la convergence, qui nous rappelle à notre condition de vivant, de vivante, au même titre que les plantes et les animaux. J'y tiens écologiquement et j'y tiens aussi métaphoriquement, parce que c'est aussi le territoire de l'imagination et de la pensée libérée. Et je suis bien heureuse de vous y avoir croisé. Au revoir.